Corrigé. Ich bin doch ein bisschen. Ich bin doch ein bisschen. Ich bin doch ein bisschen. Ich bin doch ein bisschen. Ich Si, si, si. Bon, vous, qu'est-ce que vous pouvez vous servir pour que je rentre des restes? Il veut un taxi. Personne ne veut le taxi? Moi, non. Moi, je vais prendre un taxi. Moi aussi, un coupon. Avec toi, oui, c'est un peu. Je dirais un coupon. Un taxi? Non, non, non. Je vais dire, tu fais attention à moi. Ah, ben, t'as raison, une, là,